بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, créateur premier des cieux et de la terre, qui fit des anges des émissaires dotés de deux, trois ou quatre ailes. Il ajoute à sa création ce qu'il veut. Allah est de toutes choses infiniment capable. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Ce qu'Allah accorde en grâce aux hommes, personne ne saurait le retenir. Et ce qu'il retient, personne, en dehors de lui, ne saurait le dispenser. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaykum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samaa'i wal ardh لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Ô homme, évoquez les bienfaits d'Allah envers vous. Y a-t-il un autre créateur qu'Allah qui vous accorde une subsistance du ciel et de la terre? Il n'y a point d'autre divinité que lui. Jusqu'où vous obstinerez-vous à ignorer son adoration? وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. S'ils te traitent de menteur, d'autres messagers avant toi ont été traités de menteurs. C'est vers Allah que les choses feront retour. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. La promesse d'Allah est pure vérité. Que ce bas monde ne vous leurre donc pas. Et que ne vous leurre pas au sujet d'Allah, Satan le suborneur. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Satan est pour vous un ennemi. Considérez-le comme tel. Il ne fait qu'appeler ses partisans à être parmi les gens de la fournaise. Alladhina kafaru lahum 'adhabun shadidun walladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui ont mécru auront un terrible supplice. Mais ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront un pardon et une grande récompense. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. celui à qui ses mauvaises actions sont si parées qu'elles semblent belles à ses yeux. Est-il comparable à celui qui voit clair ? Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se consume donc pas en regrets à cause d'eux. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Allah est celui qui a envoyé les vents qui font s'élever les nuages. Nous les menons alors vers une contrée morte de sécheresse, et nous faisons revivre la terre déjà morte. Telle sera la résurrection. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'uhu. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Quiconque ambitionne la puissance doit savoir qu'à Allah appartient la toute-puissance. Vers lui monte la bonne parole. Quant à l'œuvre de bien, il l'élève bien haut. Ceux qui trament des intrigues auront un terrible supplice, et leurs intrigues seront avortées. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Ensuite, il a fait de vous des couples. Aucune femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il ne le sache. Aucune vie n'est prolongée ou écourtée qui ne soit déjà inscrite dans un livre. C'est pour Allah, chose vraiment aisée. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Les deux mers ne sont pas pareilles. Ici, une eau douce, fraîche, agréable à boire. Là, une eau salée et saumâtre. De chacune des deux mers, vous mangez une chair tendre et retirez des bijoux pour vous parer en les portant. Tu vois les vaisseaux fendre les flots, prêts à vous transporter et vous permettre de rechercher de ses faveurs. Peut-être lui rendrez-vous grâce. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il a soumis le soleil et la lune qui courent, chacun de son côté, vers un terme déjà nommé. Voilà pour vous Allah, votre Seigneur, à qui revient la royauté. Cependant que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possède même pas la fine membrane d'un noyau de date. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Si vous leur adressez des prières, ils n'entendent pas vos prières. Et les entendraient-ils qu'ils ne les exauceraient pas? Au jour de la résurrection, ils renieront votre associatrie. Nul ne saurait si bien te donner des nouvelles que celui qui est parfaitement informé. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô homme, c'est vous qui êtes les pauvres vis-à-vis d'Allah, et Allah est celui qui se passe de toute richesse, le digne de toute louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et vous remplacerait par d'autres créatures. وما ذلك على الله بعزيز. Cela, pour Allah, ne serait pas difficile. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Cela, pour Allah, ne serait pas difficile. Nul ne portera le fardeau d'un autre si une âme, croulant sous le poids de ses péchés, appelle pour être aidée à apporter sa lourde charge. Rien n'en sera porté par personne. Dût-il s'agir d'un proche parent, tu ne saurais avertir que ceux qui craignent leur Seigneur, sans même le voir, et qui accomplissent la salate. Quiconque se purifie pour lui-même, et c'est vers Allah que sera le devenir. وما يستوي الأعمى والبصير. L'aveugle et le voyant ne sauraient être égaux. ولا الظلمات ولا النور. Pas plus que ne sauraient l'être les ténèbres et la lumière. ولا الظل ولا الحرور. Ni l'ombre rafraîchissante et la chaleur brûlante. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Comme ne sauraient être égaux non plus les morts et les vivants. Allah fais entendre qui il veut, tandis que toi, tu ne pourras faire entendre ceux qui sont dans les tombes. In anta illa nadhir. Tu n'es là que pour avertir. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Nous t'avons envoyé avec la vérité, afin de faire heureuse annonce et d'avertir. Il n'est pas une seule nation qui n'ait vu venir à elle un avertisseur. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. S'ils te traitent de menteur, ceux qui les ont précédés avaient déjà traité de menteurs les messagers qui leur apportaient les preuves évidentes, les Écritures et le livre pour les éclairer. أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ Puis, je me saisis des mécréants. Quelle ne fut alors ma réprobation ? أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre du ciel une eau, par laquelle nous faisons pousser toutes sortes de fruits aux couleurs différentes ? Certaines montagnes sont striées de blanc et de rouge, dont les nuances sont si variées, et d'autres sont d'un noir profond. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور Et pour les hommes, les animaux et le bétail, il existe aussi des couleurs tout aussi variées. C'est ainsi que parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes tout-puissant et absoluteur. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ceux qui récitent le livre d'Allah, qui accomplissent la salate, et dépenses de ce que nous leur avons dispensé, secrètement et en public, peuvent espérer un commerce qui jamais ne s'épuisera. Afin qu'Allah leur attribue leur pleine récompense et leur ajoute de ses faveurs. Il est absoluteur et si reconnaissant. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير Ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité même, qui vient confirmer les écritures qui l'ont précédée. Allah est au sujet de ses serviteurs informé et lucide. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Puis nous avons attribué l'héritage du livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Certains parmi eux se laissent eux-mêmes. D'autres empruntent une voie médiane dans leurs actions. Et d'autres enfin vont au-devant des bonnes œuvres. Telle est la faveur suprême. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Ils entreront dans les jardins d'Éden, où ils porteront en parure des bracelets en or et des perles, et ils seront de soie vêtus. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور Louange à Allah qui a éloigné de nous l'affliction, diront-ils. Notre Seigneur est absoluteur et si reconnaissant. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. C'est lui qui, par sa grâce, nous a établis dans la demeure permanente où ni fatigue ni lassitude ne peuvent nous atteindre. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Ceux qui ont mécru auront quant à eux pour rétribution le feu de la géhenne. Aucun coup mortel ne leur sera donné et ils ne connaîtront pas le trépas. Rien du supplice ne leur sera atténué. C'est ainsi que nous récompensons tous mes créants ingrats. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Ils crieront au fond de l'enfer: Seigneur, fais-nous sortir et nous ferons le bien que nous ne faisions pas autrefois. Ne vous avons-nous pas donné assez longue vie, leur sera-t-il dit, pour que ceux qui voulaient réfléchir aient pu réfléchir, et l'avertisseur n'est-il pas venu vers vous? Alors, goûtez le supplice. Les injustes n'auront aucun allié pour les secourir. Inna Allaha 'alimu ghaibi as-samawati wal-ard. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah connaît l'inconnaissable, Ghaib, des cieux et de la terre. Mais il connaît le mieux ce qu'il y a au fond des cœurs. هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. C'est lui qui a fait de vous des générations qui se succèdent sur terre. Quiconque a mécru verra retomber sur lui sa propre mécréance. Or, la mécréance ne rend les mécréants que plus infâmes pour leur Seigneur, et elle ne fait qu'ajouter à leur ruine. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Dis, voyez-vous ces divinités associées que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'elles ont créé de la terre. Ou peut-être ont-elles pris part à la création des cieux? Ou peut-être encore, leur avons-nous donné un livre dont ils tirent les preuves évidentes? Non, les injustes ne se font mutuellement que des promesses trompeuses. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal-ardha an tazula وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Allah retient les cieux et la terre qu'ils ne s'écroulent. Mais s'il arrivait qu'ils s'écroulent, nul autre après lui ne saurait les retenir. Il est si absoluteur et si longanime. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا Ils jurèrent par Allah de leurs serments les plus solennels que si un avertisseur venait vers eux, ils seraient mieux guidés qu'aucune autre communauté. Puisque lorsqu'un avertisseur est venu vers eux, cela n'a fait qu'ajouter à leur aversion. استكباراً في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا Ainsi qu'à leur arrogance sur terre et à leurs intrigues néfastes. Mais les intrigues néfastes ne cernent que leurs propres auteurs. S'attendent-ils donc à un autre sort que celui des anciens ? Tu ne trouveras certainement ni changement ni variation dans la loi d'Allah. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir quel fut le sort de ceux qui les ont précédés et qui étaient pourtant bien plus puissants qu'eux? Rien dans les cieux ni sur terre ne peut mettre au défi la puissance d'Allah. Il est omniscient et omnipotent. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا Si Allah châtiait les hommes pour ce qu'ils acquièrent comme mauvaises actions, il ne laisserait pas à la surface de la terre un seul être vivant. Mais il leur accorde un sursis jusqu'à un terme déjà nommé. Alors, quand leur terme sera venu, Allah est, au sujet de ses serviteurs, parfaitement lucide.